Bah, c'était une chanson triste. Faire une balade. Voilà, en accélérant, c'est pas beau en fait. C'est pas beau si on accélère ce truc.